que c'est un don d'être heureux. Je n'ai qu'à me blottir au creux de tes bras pour écouter ton cœur qui bat pour deux. Sans connaître la musique, ni moderne ni classique, tu fais de ma vie une chanson. Blanche-Neige ou Cendrillon. Regarde les étoiles au-dessus de nous. Entends le long soupir de la mer. Les arbres caressés par un vent très doux. La musique est partout dans l'univers. Connaître la musique, ni moderne ni classique, tu fais de ma vie une chanson. Sans connaître la musique, une harmonie fantastique fait battre nos cœurs à l'unisson. Chante violon et harpe, le ciel est comme une écharpe de diamants autour de ma maison. Connaître la musique sans avoir jamais pris de leçons.